Le homepage d'internet Classe Voya Bolivar, la revue d'internet Lenchutsi, le homepage d'internet du groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée de Russie et le homepage d'internet du Comité national d'études des étudiants du Congo démocratique ont inséré la lettre historique du maréchal Kim Jong-un envoyée aux participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, renforçant davantage le travail de l'Union des femmes sous la bannière de la transformation de la société entière selon le kimilsonisme Kim Jong-unisme. Par ailleurs, l'agence de presse du Congo démocratique a inséré dans son page d'internet le résumé de la lettre historique du maréchal Kim Jong-un envoyée au personnel enseignant et administratif et aux étudiants à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung, des tâches fondamentales de l'université Kim Il-sung à la nouvelle époque de la révolution Tutsi.